Chapitre 2. Si M. Horace Cooper avait été attentif à ce qui se passait autour de lui, il aurait remarqué à Vevey, en quittant avec ses bagages l'hôtel des Trois Couronnes, qu'il était suivi par un voyageur qui les avait accompagnés depuis Paris. Sur le bateau qui l'amena de Vevey à Montreux, il aurait retrouvé ce même voyageur. Enfin, il l'aurait aperçu encore près de lui au moment où, descendant du bateau à vapeur, il disait au cocher qu'il venait de prendre de le conduire au Glion, à l'hôtel du Rigivaudois. Mais pourquoi eut-il fait ces remarques? Si un voyageur l'accompagnait ainsi, c'était par hasard, parce qu'ils allaient l'un et l'autre aux mêmes endroits, ce qui après tout est bien naturel. Quant à soupçonner que ce voyageur les suivait et les espionnait, lui et son maître, cela ne s'était même pas présenté à son idée. Espionner son maître, et pourquoi? Le colonel Chamberlain n'était-il pas libre d'aller où bon lui semblait, sans que personne eût le droit de s'en inquiéter? De qui relevait-il? De qui dépendait-il? Sans doute Horace avait été tout d'abord très surpris de leur brusque départ, et cette façon de quitter Paris, alors qu'il n'avait jamais été question de ce voyage en Suisse, lui avait donné à réfléchir. La tristesse de son maître était aussi un fait significatif, car il n'était pas ordinaire que le colonel fût mélancolique, pas plus qu'il n'était habituel de le voir se mettre à table sans manger, au contraire, de belle humeur toujours, aussi bien que de bon appétit. Mais ce départ subi ainsi que cette tristesse n'était nullement inexplicable. Sans avoir jamais cherché à pénétrer les secrets de son maître, Horace n'avait pas pu rester dans la maison, les yeux fermés et les oreilles closes. Eût-il voulu ne pas regarder, qu'il n'eût pas pu ne pas entendre. À l'hôtel Chamberlain, il était universellement admis, sans conteste comme sans doute, que le colonel était l'amant de la marquise de Lucilière, et tout le monde savait que si l'on avait construit une galerie mettant l'hôtel en communication avec la rue de Valois, c'était pour que la marquise, entrant la nuit par la petite porte de cette rue, pût arriver sans être vue à l'appartement du colonel. D'un autre côté, à l'hôtel de Lucilière, il était non moins universellement admis que la marquise était la maîtresse du colonel. Cela était de notoriété publique, et si quelqu'un avait soulevé le plus léger doute, on lui aurait ri au nez, sans même se donner la peine de discuter cette naïveté par trop forte. Une nuance, cependant, existait dans l'opinion adoptée par les deux maisons. Tandis qu'à l'hôtel Chamberlain, on ne donnait qu'une seule maîtresse au colonel, à l'hôtel Lucilière, on donnait plusieurs amants à la marquise, et l'on ne se gênait pas pour les nommer, Serkis Pacha, le prince Eratov, le duc de Mestosa, Lord Ferguson. Sachant cela, et encore bien d'autres choses plus précises, Horace ne pouvait pas être embarrassé pour deviner ce qui avait amené leur départ et ce qui causait la tristesse de son maître. Il y avait eu brouille avec la marquise de Lucilière. Quel avait été le motif de cette brouille, il ne le connaissait pas, mais il n'était pas bien difficile de le pressentir. Le colonel avait averti, ou bien il s'était lui-même aperçu que Madame de Lucilière le trompait, et sous le coup de la colère, il avait voulu s'éloigner de Paris. C'était à cette explication qu'il s'était arrêté en arrivant à Genève, et il s'était dit que cette tristesse ne durerait pas longtemps. Le colonel se distrairait, se consolerait. S'il avait quitté Paris, c'était parce qu'il avait l'horreur des discussions et des querelles, même des explications. Aussi, sa surprise avait-elle été des plus vives, en voyant que le colonel ne paraissait pas songer à se distraire. Arrivés à Genève, ils avaient fait l'ascension du Grand Salève, puis celle des Voirons, et le colonel n'avait pas dit un mot. À Lausanne, ils étaient montés au Signal, et ils n'avaient pas ouvert la bouche. Il allait droit devant lui, marchant rapidement, regardant à droite et à gauche d'un air indifférent, comme un homme dont l'esprit n'est pas ce qu'il voit. Rentré à l'hôtel, il n'était pas plus sensible au plaisir de la table qu'il ne l'avait été à celui de la promenade. Il se faisait servir seul et touchait à peine au plat qu'il commandait. La nuit, jusqu'à une heure avancée, il lisait dans son lit, au moins si l'on en jugeait par sa bougie, qui était presque toujours complètement usée, et aussi par le nombre des volumes qu'il achetait. En arrivant dans une ville, sa première visite était inévitablement pour les libraires, et il rentrait à l'hôtel, les poches pleines de livres. Alors, à quoi bon voyager si c'était pour ne rien voir dans la journée et pour passer la nuit à lire? Mais où la surprise d'Horace était devenue de la stupéfaction, s'avait été quand son maître avait annoncé l'intention de passer plusieurs jours, plusieurs semaines même, au Glion, à l'hôtel du Régis Vaudois. Comment ? Plusieurs semaines sur cette montagne ? Mais alors c'était donc un exil qui ne finirait jamais. Car il était bien certain que rien n'avait attiré, rien ne retenait le colonel dans cet hôtel. En quittant Vevey le matin pour venir au Glion, par Brent, Cholin, Chernay et Songier, le colonel n'avait nullement l'intention de s'établir au Régis Vaudois. Cette idée s'était présentée à son esprit tout à coup en regardant le soleil se coucher, ou plutôt, il était assez probable qu'elle était née au fond d'un ravin où il était resté assis un moment pour se reposer. Le site était sauvage et triste à y mourir d'ennui au bout de quelques heures, et c'était là cependant que, pour la première fois depuis son départ de Paris, le colonel avait paru s'intéresser à ce qui l'entourait, aux pentes gazonnées où paissaient les vaches en faisant sonner leurs clochettes, aux amas de rochers éboulés çà et là, aux torrents qui bouillonnaient au fond du ravin, aux cimes élevées des montagnes qui les entouraient de toutes parts, ne laissant apercevoir le ciel que lorsqu'on se renversait en arrière. C'était parce que l'hôtel était situé dans le voisinage de ce ravin que le colonel l'avait choisi. C'était pour retourner là, pour s'isoler, pour s'ennuyer librement. Mais alors cela devenait tout à fait grave et inquiétant. Comment un homme tel que son maître, jeune, beau garçon, plein de force et de santé, pouvait-il se laisser ainsi abattre? Ce n'était pas la première fois qu'il était trompé par une femme. À la Nouvelle-Orléans, une comédienne qui était sa maîtresse avait été convaincue d'avoir un peu trop de tendresse pour un musicien de l'orchestre, et il n'avait fait qu'en rire, sans s'emporter ou s'en désoler autrement. Bien vite, il s'était consolé, et de la bonne manière. À Pittsburgh, même aventure, ou à peu près, lui était aussi arrivée avec une jeune modiste, et le dénouement n'avait pas été tragique. Certainement, il n'y avait aucune comparaison à établir entre la comédienne ou la modiste d'une part, et Madame la marquise de Lucilière d'autre part. Mais aussi, il n'y avait nulle comparaison entre le dénouement des premières tromperies et celui de la dernière. Est-ce qu'on devait se désoler ainsi pour l'infidélité d'une maîtresse ? Ne valait-il pas mieux se consoler, et cela le plus vite possible ? Elle ne manquait pas les femmes qui auraient été heureuses de faire oublier la marquise de Lucilière. Sur ce point encore, Horace en savait long, beaucoup plus long même que son maître, car regardant autour de lui avec un esprit libre et désintéressé, il avait vu bien des choses, il avait fait bien des remarques, bien des observations, qui assurément avaient échappé au colonel, absorbé, aveuglé par sa passion pour la marquise. Pourquoi, rompant avec Madame de Lucilière, le colonel ne s'était-il pas tourné vers la belle Carmelita Belmonte? Assurément, elle ne l'eût pas repoussé. Ou bien encore, pourquoi n'avait-il pas demandé des consolations à Mademoiselle Ida Lazarus? Certainement, la charmante Allemande ne les lui pas refusées, bien au contraire. Cela ne valait-il pas mieux que de venir s'enterrer dans ce pays de loups? Pour être exact, il faut dire que tout d'abord, Horace n'avait pensé qu'à son maître. Et avec la profonde affection qu'il éprouvait pour lui, il avait été effrayé de cette situation telle qu'elle se présentait, mais insensiblement, il était venu aussi à penser à lui-même. Si le colonel tenait à fuir Paris, il n'était pas lui dans les mêmes conditions. On ne l'avait pas trompé, on ne l'avait pas trahi, et avant son départ, il avait pris des engagements. Il avait fait des serments de revenir promptement, auxquels il ne voulait pas manquer. Or, maintenant qu'ils étaient installés dans cet hôtel, qui pouvait savoir quand et comment ils en sortiraient?